Zacharie chapitre 13. En ce temps-là il y aura une source ouverte en faveur de la maison de David, et des habitants de Jérusalem, pour le péché et pour la souillure. Il arrivera aussi en ce temps-là, dit l'Éternel des armées, que je retrancherai du pays les noms des faux dieux, et on n'en fera plus mention, j'ôterai aussi du pays les faux prophètes, et l'esprit d'impureté. Et il arrivera que quand quelqu'un prophétisera dorénavant, son père et sa mère qui l'auront engendré, lui diront, tu ne vivras plus, car tu as prononcé des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'auront engendré, le transperceront quand il prophétisera. Et il arrivera en ce temps-là, que ses prophètes seront confus chacun de sa vision, quand il aura prophétisé, et ils ne seront plus vêtus de manteaux de poils, pour mentir. Et il dira, je ne suis point prophète, mais je suis un laboureur, car on m'a appris à gouverner du bétail dès ma jeunesse. Et on lui dira, que veulent donc dire ces blessures en tes mains? Et il répondra, ce sont celles qui m'ont été faites dans la maison de mes amis. Épée, réveille-toi sur mon pasteur, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur, et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main sur les petits. Et il arrivera dans toute la terre, dit l'Éternel, que deux parties seront retranchées en elle, et défaudront, mais la troisième y demeurera de reste. Et j'amènerai la troisième partie au feu, je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or, chacun d'eux invoquera mon nom, et je l'exaucerai, je dirai, c'est ici mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu.